Oh Dieu, prends en main ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi de l'homme trompeur et injuste, car tu es le Dieu de ma forteresse éternelle. Pourquoi me rejettes-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi, sous le poids de leur rudesse? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide pas à pas, qu'elle me conduise à ta montagne sainte, dans tes parvis où je me tiendrai devant toi. J'irai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai avec la harpe, toi mon Dieu, ma tendresse. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon roi, il est mon salut, il est